إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد، وإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، نعم، donc aujourd'hui on va commencer le cours numéro 4 dans la lecture du livre حقيقة الشورى du Cheikh Mohamed Aman Al-Jamih رحمه الله. On va commencer, avant de commencer la lecture du livre, je voudrais juste parler d'un point. Il dit فَالْإِقْبَالُ عَلَى الطَّاعَةِ هُوَ الَّذِي يُسَبِّبُ الْفَرَجِ. Donc le fait d'établir l'obéissance d'Allah, c'est ça qui va nous amener la délivrance. وَيَأْتِي بِالْخَبَرِ وَيَأْتِي بِالْخَيْرِ وَهُوَ مِنْ أَعْظَمِ أَسْبَابِ دَفْعِ الشَّرِّ عَنِ الْأُمَّةِ. يسبب الفرج ويأتي بالخير وهو من أعظم أسباب دفع الشر عن الأمة. Donc le Cheikh il dit, c'est le fait de faire l'obéissance qui sera une des causes de la délivrance, qui va nous ramener du bien, et c'est une des plus grandes causes du fait qu'on repousse un mal de la Ummah. Et ce qu'il dit le Cheikh ici, c'est la vérité. Parce que si tu vois que par exemple il y a un mal qui touche la Ummah, et que tu vas dire aux musulmans cessez de pratiquer l'islam pour faire en sorte que ce mal ou cette pression cesse, eh bien c'est le contraire de ce que tu dois faire, parce que en établissant l'adoration d'Allah, tu te rapproches d'Allah, et c'est en se rapprochant d'Allah que Allah subhanahu wa ta'ala nous délivre des différentes persécutions qui nous touchent, ou des différents malheurs ou des problèmes qui nous affectent. Donc, yani, ça c'est un exemple. Qu'est-ce que le Cheikh il dit ici? C'est comme si par exemple, tu vois que les koufars, par exemple, ils disent aux femmes musulmanes, enlevez votre hijab. Par exemple, les koufars maintenant, ils critiquent toujours les musulmans du fait que ils disent, regardez, vous qui pratiquez l'islam, ou les femmes qui portent le hijab, vous êtes une minorité. La majorité des femmes musulmanes, elles ne se voilent pas. Donc, toi, tu vas dans la rue, tu veux manifester. Tu utilises des moyens qui sont contraires à l'islam pour demander ton droit. Au lieu de faire ça, au lieu de perdre ton temps, ton énergie, ton argent, commence donc par appliquer l'ordre d'Allah et de porter le hijab. Comme ça, les koufas vont voir que c'est pas juste une minorité qui le porte, que c'est toutes les femmes musulmanes qui le portent. Et si tu le portes, ou si tu portes déjà quelque chose que tu considères être le hijab, comme par exemple celle qui porte des petits foulards sur les cheveux, avec yani souvent que c'est attaché serré dans le cou, ou bien des choses comme ça, et que c'est avec du maquillage, ou bien que c'est avec des pantalons et des camisoles, ou bien des, comment on appelle, des tuniques qui sont qui décrivent les formes du corps et qui sont qui suivent les mêmes lignes que les lignes du corps, dans ce cas là ça c'est pas considéré comme un hijab dans l'islam, puisque le hijab c'est que la femme elle se couvre le corps avec un vêtement ou un linge ou un tissu ample qui couvre tout son corps de la tête jusqu'aux pieds, sans laisser rien de ses formes paraître, ni de ses vêtements d'intérieur. Donc, ça c'est qu'est-ce qu'on appelle le djilbab, et c'est ça que la femme doit porter. Donc si tous les kuffars commencent à voir que toutes les femmes musulmanes sans exception commencent à appliquer cet ordre d'Allah, ils vont être placés devant une réalité qu'ils ne pourront plus critiquer ou contrer, parce qu'ils vont dire on ne peut rien faire contre ces gens-là, c'est ça leur religion et ils l'appliquent et ils le pratiquent. Mais s'ils voient des musulmans hésitants, des musulmans paresseux ou des musulmans négligents de leurs obligations et yani, qui ne prennent pas ça au sérieux et qui prennent par exemple la dunya yani, et qui donnent à la dunya une plus grande importance que aux ordres d'Allah, et bien automatiquement ils vont dire ben ces gens-là on est capable de les contrôler facilement, on a juste à yani, leur enlever leur dunya ou les menacer de les priver de leur dunya, ils vont automatiquement abandonner leur religion et on va pouvoir les contrôler facilement par la suite. Wa an-nabi sallallahu alayhi wa sallam mastakhdama hadhihi al-asalib aw hadhihi al-wasila ma' al-mushrikin wal-yahud hatta yani hatta yuslimu bal wa zir'u mata wa zir'uhu marhuna 'inda yahudi wa lam yastakhdimha wa qad hawalu qatlahu miraran. Donc le cheikh il dit, deuxièmement, la méthode de la pression, ça ne fait pas partie des méthodes légales en islam. Il dit peut-être que vous allez faire ça pour faire de la pression sur, pour une chose, tandis que peut-être que les juifs et les chrétiens eux vont faire d'autres pressions pour que vous n'appliquiez pas d'autres adorations apparentes. Ils vont mettre leur pression par la suite. Donc yani, ça servira à rien. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas utilisé cette méthode-là comme moyen pour yani, avec les mouchriquins et les juifs à l'époque, hein, à son époque lorsqu'il était vivant. Yani, jusqu'à yani, dans le but de les faire se convertir à l'islam. Il n'a pas utilisé ça comme méthode pour les appeler à l'islam. Il est mort et son bouclier, son armure, elle était laissée en gage chez un juif. Il avait fait un prêt sur gage chez un juif et il l'a laissé chez lui. Il n'a pas pris son armure jusqu'à ce qu'il meure. Il est mort et son armure était restée chez lui. Et combien de fois les juifs ont essayé de le tuer malgré tout. Donc, na'am. Donc on va commencer à lire les paroles du cheikh Mohamed Aman. Yani, c'est dans le même sujet parce qu'on parle de la Shura, puis la démocratie, puis toutes ces méthodes innovées que les koufars ont inventées dans notre siècle et que certains soi-disant intellectuels musulmans ont ramené comme moyen pour ramener l'islam ou des choses de ce genre. Donc le cheikh il réfute ces gens-là. Il dit akhta yajib at-tanbih 'alayha. Des erreurs, yani que c'est obligatoire de mettre yani l'attention sur ces points-là pour les clarifier. Il dit wa min al-akhta al-muntashara bayna al-musaqqafin fi hadhihi al-ayyam allati nuridu an nuhasiraha qabla an yastahfila da'uha أكثر فأكثر توهم كثير من المثقفين أن الشورى المطلوبة في الإسلام هي تلك الديمقراطية الغربية وفي الواقع هما أمران متبينان لا يلتقيان أبدا كالنور والظلام والليل والنهار لأن الديمقراطية لفظة أجنبية معناها حكم الشعب أي أن الشعب هو الذي يسن القوانين لنفسه ويشرع التشريعات المناسبة له غير ملتفت إلى شرع الله بحيث يكون الشعب نفسه هو السلطة التشريعية وهو الإله المعبود ويتم ذلك بواسطة نواب البرلمان والممثلين للشعب. Donc le cheikh il dit, parmi les erreurs qui sont très propagées parmi les intellectuels et les gens cultivés parmi de ces temps-ci, ceux qu'on appelle les gens cultivés, il dit, donc parmi ces erreurs-là, il y a justement la comparaison du fait qu'ils demandent l'application de la Shura et ils essaient de faire comprendre que la Shura, c'est la démocratie occidentale. Ils essaient de faire comprendre que la Shura dans l'islam, c'est la même chose que la démocratie occidentale. Et le cheikh a dit, on veut parler de ça et traiter de ce sujet-là avant que ce problème commence à se propager de plus en plus. Parce qu'il y a beaucoup d'entre les gens, parmi ces gens qui ont une culture occidentale, une éducation occidentale, qui commencent à essayer justement, parce qu'ils ont quand même un attachement à l'islam et à leur religion, mais en même temps ils veulent, ils ont été séduits par les idées des koufars, et donc ils pensent que dans les idées des koufars il y a du bien, et ils s'imaginent que donc cette démocratie-là elle est essentielle, donc ils veulent que cette démocratie-là soit dans l'islam aussi. Ça se peut pas que ce soit une si belle idée qu'elle n'existe pas dans l'islam. Alors qu'on sait très bien que s'ils avaient compris l'islam et la réalité de l'islam, et s'ils avaient compris la réalité des principes que Allah nous a enseignés, ils auraient su que la démocratie, ce n'est pas une si belle chose que qu'est-ce que les koufars s'imaginent. Mais étant donné que leur conception elle est faible et elle est limitée, donc ils ont été séduits par ces slogans et des choses de ce genre. Donc il dit « وَفِ الْوَاقِ » Donc en réalité, la démocratie et la Shura sont deux choses complètement séparées, qui n'ont aucun rapport. C'est comme les ténèbres et la lumière, la nuit et le jour. Ils sont complètement différents les deux. Il dit « parce que, premièrement, la démocratie, c'est un terme étranger dans sa signification. C'est un terme qui signifie le pouvoir du peuple. Pouvoir du peuple. Ça veut dire que dans la démocratie, c'est le peuple lui-même qui détient la souveraineté, qui est la source de la souveraineté, qui détient le droit de faire des lois, hein, qui peut légiférer. Et yani, demandez à n'importe qui dans la rue, est-ce que vous avez le droit de faire des lois? Et ils vont dire non, mais c'est parce que ça marche pas comme ça. En fait, dans la démocratie, c'est pas la démocratie directe qui est appliquée. Peut-être que ça a été appliqué à une certaine époque, ils disent en Grèce, il y avait la démocratie directe. Tout le peuple se rassemblait, et puis chacun, quand il y avait des décisions, tout le monde votait. Ça, c'est la démocratie directe. Mais qu'est-ce qui existe actuellement? C'est la démocratie parlementaire. Hein? Ça veut dire que c'est le parlement qui représente le peuple. Parce que le peuple vote pour des élus, puis les élus vont au parlement, représentent le peuple soi-disant, votent des lois, puis décident des lois. Donc c'est eux qui font les lois. Donc ils disent c'est le peuple pour le peuple, par le peuple. Hein? Tout ça c'est n'importe quoi. Donc le peuple va soi-disant légiférer les lois qui correspondent à leurs besoins et ils ne vont pas se référer du tout à la révélation d'Allah. Ils ne vont pas se référer du tout à la révélation d'Allah. C'est ça la laïcité. C'est pour ça que tu ne peux pas séparer démocratie et laïcité parce que les deux principes de laïcité et démocratie sont collés ensemble. Puisque leur principe dit c'est pas les lois que Dieu a révélées qu'on doit appliquer, c'est les lois que nous, on décide nous-mêmes. Si Dieu a interdit quelque chose, nous, on a le droit de l'interdire. Puis si Dieu a ordonné quelque chose, on a le droit de l'interdire. Si Dieu a permis quelque chose, on a le droit de l'interdire. S'il a ordonné quelque chose, on a le droit de l'interdire. S'il a interdit quelque chose, on a le droit de le permettre. Hein? C'est ça qu'ils croient. C'est pour ça qu'ils rendent licite l'adultère, la fornication, l'homosexualité et beaucoup d'autres perversités, ils les rendent licites. Et des choses permises et ordonnées par Allah, ils veulent les interdire. Comme par exemple le hijab, la polygamie et beaucoup d'autres choses. Hein? Ils veulent interdire ces choses-là. Alors que ce sont des choses qui sont bonnes. Et ensuite, le cheikh, il dit, donc, c'est le peuple qui a cette autorité dans la démocratie, de légiférer. Et donc, ils veulent se mettre à la place de Dieu. Et ils veulent être adorés comme Dieu. Hein? Parce que c'est un des droits exclusifs à Dieu de légiférer et de rendre licite ou illicite. C'est seulement Dieu qui a le droit de faire ça. Donc, si quelqu'un essaie de prendre ça, ce droit-là, eh bien, c'est comme s'il voulait se mettre à la place de Dieu. Et la façon dont ils appliquent ces lois-là et ces jugements-là et comment ils les choisissent, c'est par rapport aux députés qui sont dans un parlement, qui représentent le peuple. Et vous voyez qu'est-ce qui se passe actuellement dans les pays soi-disant démocratiques. Chaque fois qu'il y a une décision qui est prise par un gouvernement que les gens ont élu, mais c'est pas tout le monde qui ont élu, peut-être c'est pas tout le monde qui ont voté pour ceux qui sont au pouvoir, mais l'important pour eux c'est que le pouvoir représente la majorité. La majorité. Hein? Et on sait très bien que la majorité, c'est pas nécessairement les gens les plus intelligents. C'est pas nécessairement les gens les plus savants. C'est pas nécessairement les gens les plus spécialisés dans les domaines qui ont rapport avec le pouvoir et les choses qui ont rapport avec les intérêts réels de la société. Donc, si tu appelles la majorité des gens, tu te bases sur la majorité, ça veut dire que il faut que tu appelles à des choses qui vont plaire à la masse et qui vont satisfaire la masse. Et si la masse est corrompue ou ignorante, eh bien, il faut les séduire avec de l'ignorance. Si la masse est opposée à la vérité, eh bien, si tu les appelles à la vérité, ils ne vont pas accepter. C'est pour ça qu'en partant, l'islam, il est opposé à la démocratie. Parce que l'islam ne se base pas sur une quantité pour déterminer ce qui est vrai ou faux. Peut-être qu'une minorité d'hommes sont sur la vérité alors que la grande majorité sont sur l'égarement. Et c'est, dans ce cas-là, la minorité qu'il faut suivre et non la majorité. Hein? Donc, ça c'est tout à fait logique. Hein? Il y a des choses dans lesquelles on ne peut pas appliquer démocratie. Parce que c'est des choses qui sont basées sur des vérités. Si on commence à faire voter les gens sur des mathématiques, par exemple, et puis qu'on dit, bon, on va déterminer les réponses d'un problème mathématique par vote, pour savoir c'est quoi la bonne réponse, c'est pas parce que la majorité de ceux qui répondent donnent une réponse que ça veut dire que c'est nécessairement la bonne. Combien de fois on était dans des cours de maths et quand le prof mentionne une réponse et il demande aux élèves est-ce que c'est bon cette réponse, et il dit quand tu vois ceux qui lèvent leurs mains, tu vois c'est la majorité, et après finalement tu réalises quand le prof donne la bonne réponse que c'était la majorité qui avait tort. Donc c'est pas une question de quantité ici, c'est une question d'être sur la vérité. Mais étant donné que les koufars ne croient pas en la révélation d'Allah, pour eux, il n'y a pas de vérité dans ces questions de bien ou de mal, de vrai ou de faux, ça n'existe pas. Chacun il a son opinion, chacun fait ce qu'il veut. Chacun il pense comme il veut, puis il n'y a pas de chose qui est plus bonne ou moins bonne, ou etc. Tout le monde peut faire comme il veut, qu'est-ce qu'il veut, et c'est pour ça qu'ils sont dans l'égarement. Après, le cheikh, il commence à parler de la shura. Qu'est-ce que c'est ? أما الشورى في الإسلام فجعلها الله من صفات المؤمنين حيث يقول الله تعالى وأمرهم شورى بينهم بل أمر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بها بقوله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعفوا عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Donc, le cheikh, il dit en ce qui concerne la shura, la consultation ou la concertation dans l'islam, Allah subhanahu wa ta'ala en a fait une des caractéristiques des croyants. Quand il parle dans le Coran de la shura, il décrit les croyants par cette caractéristique-là, du fait qu'ils gèrent leurs affaires entre eux par la shura, c'est-à-dire par la consultation. C'est-à-dire, ils se consultent entre eux avant de faire quelque chose. Hein? Et ça, c'est dans le verset 38, dans Surat Shura. Justement, la Surat elle-même s'appelle Shura. Hein? Shura. Et le verset 159 dans Surat Al-Imran, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie, c'est par quelques miséricordes de la part d'Allah que tu, c'est-à-dire que toi, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, tu as été si doux envers eux. Donc c'est par une miséricorde d'Allah que tu as été si doux envers eux. Mais si tu étais rude, au cœur dur, ils se seraient enfuis de ton entourage. Pardonne-leur donc et implore pour eux le pardon d'Allah et consulte-les. Hein? C'est-à-dire consulte-les dans le sens que tu fais la consultation avec eux, tu les concertes, hein? tu te retrouves avec eux et tu les consultes à propos des affaires. Puis une fois que tu t'es décidé, c'est-à-dire une fois que toi, ô Muhammad, tu t'es décidé, alors mets ta confiance donc en Allah et aime Allah. En vérité, Allah aime ceux, mets ta confiance en Allah, car en réalité Allah aime ceux qui font ou mettent leur confiance en lui. Ceux qui mettent leur confiance en lui. Donc ça, c'est un autre verset à ce sujet là, verset 159 dans Surat Al-Imran. Le cheikh il dit ensuite, فحقيقة الشورى إبداء الرأي للمنسوح بطلب أو بدون طلب وهي غير ملزمة بالاتفاق. وفي في في الحاشية يقول الشيخ, والصحيح أنها غير ملزمة على القول الراجح مع ملاحظة الخلاف. Il dit, وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى قريبا. Donc le cheikh il dit que la réalité de la shura, c'est quoi? C'est le fait de donner notre opinion à celui à qui on donne le conseil par une requête de sa part ou sans requête, c'est-à-dire qu'il le demande, qu'il soit celui qui demande le conseil ou non. Des fois c'est lui qui va demander qu'on le conseille, des fois il ne demande pas mais on lui donne le conseil quand même, et qui n'est pas imposable selon l'accord, selon l'accord des savants. C'est-à-dire, pas imposable, c'est-à-dire qu'une fois que les musulmans ont donné leur conseil et ont consulté le dirigeant, on ne peut pas lui imposer de prendre notre conseil et de suivre notre conseil. Et en note de bas de page, parce que dans le texte, il dit que ça c'est selon l'accord des savants, et dans le bas de page, il dit c'est la position la plus correcte. Mais on prend en considération qu'il y a une divergence sur ce sujet-là. Mais la position qui est correcte, plus proche de la vérité, c'est celle qui explique et qui mentionne qu'il n'y a pas d'imposition. Que la shura ne peut pas être imposée. Et une chose que aussi le cheikh va mentionner, c'est que la shura c'est pas dans tout. La shura c'est pas la consultation dans l'islam. Quand on consulte, quand le dirigeant va demander la consultation à la population, ou bien plutôt pas à la population, mais plutôt, parce que dans l'islam, c'est pas à la population tout entière qu'on demande la consultation. Dans l'islam, on va pas demander la consultation à tout le monde, comme dans la démocratie. Dans la démocratie, c'est tout le monde qui vote. Mais dans la shura, non. Ça, c'est une autre des différences entre la démocratie et l'islam. Dans l'islam, la shura, c'est seulement pour les gens qui font partie des dirigeants, des responsables, des spécialistes dans un domaine, à qui on demande conseil dans un sujet quelconque avant de prendre une décision. Hein? C'est pas à n'importe qui ou à n'importe quelle personne qu'on va demander conseil. C'est pas à toute la population, il y en a la personne qui est au coin de la rue avec à qui on va demander conseil. Ensuite, le cheikh il dit, ومن الأخطاء الجسيمة التي يجب التنبيه عليها وقوع كثير من شبابنا في سوء الظن بالحكم القائم عندنا في هذا البلد الإسلامي، حيث ظنوا بأنه حكم ديكتاتوري، بحيث نعم بأنه حكم ديكتاتوري يجب أن يتحول إلى حكم ديمقراطي، كمستجير من الرمضاء بالنار، بناء على إيحاء بعض قادة الحركات الإسلامية، أي التي تطلق على نفسها الحركات الإسلامية والإسلام بريء من تصرفاتهم. وهؤلاء الحركيون بفصائلهم المختلفة ينقسمون إلى قسمين. Donc le cheikh il commence, il dit parmi les graves erreurs qui existent et qu'il est obligatoire pour nous de prendre note et de mentionner quelque chose à leur sujet, c'est le fait que plusieurs d'entre les jeunes sont tombés dans des mauvaises pensées par rapport à leurs dirigeants et par rapport au pouvoir chez nous, du fait qu'ils s'imaginent que ce pays, et il parle de l'Arabie Saoudite parce que c'est là-bas qu'il est, c'est là-bas qu'il était le cheikh, il dit qu'il pense que c'est un pouvoir dictatorial. Les koufars, ils appellent tous les pouvoirs qui ne sont pas démocratiques, ils appellent un pouvoir dictatorial. Ils disent ça, c'est des dictatures. Et qu'il faut changer ce pouvoir pour le rendre démocratique. Et le cheikh, il dit كَمُسْتَجِيرُ مِنَ الرَّمْضَاءِ بِالنَّارِ. C'est comme celui qui est dans la chaleur du désert, puis il s'enfuit vers le feu. Donc si tu es dans le désert, en train de brûler dans la chaleur du désert, tu ne vas pas te réfugier vers le feu. Tu vas te réfugier vers qu'est-ce qui va te rafraîchir. Mais ça, c'est un dicton que les Arabes disent pour montrer parfois comment des gens ils passent d'un état qui est mauvais vers quelque chose qui est pire. Quelque chose qui est pire. Tu veux t'enfuir d'un problème vers un problème plus grand encore. Donc ça, c'est pas logique. Et donc, en se basant sur quoi? Sur quoi il se base pour dire ça? Il se base sur ce que certains mouvements ou certains leaders ou chefs de partis ou de mouvements islamiques, c'est-à-dire des mouvements qui se donnent à eux-mêmes le titre de mouvement islamique, alors que l'islam est innocent de ce qu'ils font, et ces activistes, qu'on appelle les activistes islamiques, ou bien les hezbiyins ou les harakiyins, dans toutes les différentes fractions qu'ils représentent, les différentes tendances qu'ils représentent, qui sont diverses, ils se divisent en deux grandes catégories. قسم جاهل يجهل حقيقة الديمقراطية وحقيقة الدكتاتورية معا، وهذه هي الصفة الغالبة على قادة الجماعات لقلة دراستهم في الفقه الإسلامي. ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذا القسم لعله يعذر بجهله، فيقال له تعلم أولا، لأن العلم قبل القول والعمل، ويقال له تصور قبل الحكم، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. ويقال له أيضا لا تهرف بما لا تعرف. Donc le cheikh il commence en disant que la première catégorie, c'est la catégorie des gens parmi ces harakiyins qui sont ignorants. Et donc ils défendent la démocratie et ils parlent de dictature sans aucune connaissance de la réalité de ces choses. Ils parlent de la démocratie, ils parlent de la dictature, mais ils ne savent pas la réalité de qu'est-ce que ça signifie. Ça c'est la caractéristique de la majorité des chefs, des têtes de ces groupes islamiques aujourd'hui, à cause du peu d'études qu'ils ont. Ils ont étudié très peu le fiqh islamique. Et Allah subhanahu wa ta'ala, pourtant, plutôt le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il mentionne dans le hadith qui est rapporté selon plusieurs d'entre les sahaba par l'imam al-Bukhari, où il dit Celui pour qui Allah veut du bien, il lui facilite ou bien il lui donne la compréhension de la religion. Celui pour qui Allah veut du bien, il lui donne la compréhension de la religion. Donc, il devrait, le cheikh il dit, ces gens-là, peut-être qu'ils sont excusés par leur ignorance, mais on leur dit à ceux-là, premièrement, apprends. Première chose, apprends l'islam. Parce que, comme on le sait, la science passe avant la parole et l'action. Hein? Ça c'est expliqué dans Usul al-Salasa. Hein? Nous on apprend ça, même les petits-enfants ils apprennent ça. Ils étudient à Usul al-Salasa. Et deuxièmement, le cheikh il mentionne une autre règle comme ça, qui dit tasawwur qabla al-hukm, tasawwur qabla al-hukm. لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. C'est-à-dire, avant de faire un jugement sur quelque chose, eh bien, commence par avoir une bonne compréhension de son sujet et de qu'est-ce qu'il signifie. Parce que le verdict à propos d'une chose est une branche, hein, ou est une partie de la conception que tu en as. Le verdict que tu vas donner d'une chose, eh bien, c'est une partie de la conception dont tu en as. Si tu as une mauvaise conception de quelque chose, le verdict que tu vas donner sur cette chose-là, il va être incorrect. Le jugement que tu vas faire sur quelque chose, il va être incorrect. Hein? C'est comme si, par exemple, tu veux faire une fatwa sur un sujet. Si un savant veut faire une fatwa sur un sujet dans l'islam, mais que le savant, on lui donne la question, mais on ne lui donne pas la réalité de qu'est-ce qui est arrivé dans cette question-là, il va nous donner une fatwa. Mais la fatwa ne va pas correspondre à la réalité. Pourquoi ? Parce qu'on ne lui a pas donné la description exacte et réelle de qu'est-ce qui s'est passé. Donc la fatwa va être selon qu'est-ce qu'on lui a donné comme conception. C'est pour ça que les ulama disent « Al-hukm al-shay far'un an tasawwurihi ». Et ça, c'est très important de comprendre ça. Que tu veux savoir, parfois, quelqu'un te donne une parole d'un savant, mais il ne te donne pas la question qui vient avec. Mais si tu ne sais pas la question, tu ne sais pas sur quoi le cheikh a répondu. Peut-être que si tu sais la question, tu vas savoir que la réponse, elle n'a aucun rapport avec le sujet, hein, que la personne te mentionne. Peut-être que c'est sur une chose complètement différente ou un contexte spécifique. Et que si tu sais la question, tu vas dire « Ah, mais non, mais là, c'est pas la même chose. » Parce que la question concerne un contexte bien spécifique. Toi, tu ramènes la réponse sur un sujet qui est totalement différent ou bien qui est différent dans plusieurs points. Donc, c'est pas la même chose. Et la tahrif bima la tahrif, c'est-à-dire, yani, parle pas de ce que tu sais pas et rentre pas dans ce que tu ne connais pas. Il dit وهناك قسم آخر قد يكون لديهم علم ومعرفة ويفرقون بين الحق والباطل ولكن يحملهم على هذا التضليل قلة النصح للناس بل سوء الظن أو سوء القصد كما يظهر جليا من تصرفاتهم والله المستعان. وهؤلاء يقال لهم لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون لأنهم يعلمون أن هذا المجتمع السعودي إنما يحكمه الإسلام لا شيء غير الإسلام لا الديمقراطية ولا الدكتاتورية ولا الحزبية هذا ما تمتاز به هذه المملكة العربية السعودية الإسلامية ولله الحمد والمنة بل من ميزة هذا المجتمع السعودي أنه كله حزب واحد فأي حزب يا ترى أهو حزب حاكم؟ لا إنما هو حزب محكوم أجل حزب محكوم تحكمه شريعة الله التي أنزلها في كتابه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد أجل حزب ينفذ شرع الله لا يشرع من عند نفسه شيئا Donc le cheikh explique que il y a une autre catégorie parmi les gens de Haraka et les gens de Hizbiya. C'est des gens qui, eux, par opposition au premier groupe, ils ne sont pas ignorants. Ils savent. Ils connaissent. Mais, yani, ils ne veulent pas donner le bon conseil aux gens. Ils distinguent entre la vérité et le faux, mais ils ne veulent pas donner aux gens le bon conseil. Hein? Ils veulent égarer les gens, malheureusement. Et, yani, soit parce qu'ils ont une mauvaise intention, soit qu'ils ont un mauvais but, et à cause de ça, ils réagissent de cette façon, et ils font des choses contraires à la vérité. Et ça, on le voit par leur façon d'agir, et par leur comportement, ça sort de leurs gestes, ça sort par leurs paroles. Hein, Wallahu al-musta'an. Yani, subhanallah, yani, des choses que ces gens-là disent, parfois parmi ces hizbiyins, des choses que, yani, ils critiquent par exemple des laïcs, que des laïcs disent des choses qui opposent l'islam, opposent la charia, eux disent des choses pires que les laïcs sur l'islam, au nom de l'islam. Yani, subhanallah. Mais juste parce qu'ils se disent musulmans et parce qu'ils montrent des signes de l'islam, on devrait accepter de lui tout ce qu'il dit, même si c'est contraire à l'islam. C'est ça l'absurdité de ces islamistes ou de ces Hizbiyin, quand ils parlent de l'islam, ils utilisent la démocratie et ils tombent dans des contradictions que tu peux même pas imaginer. Ils disent même parfois des paroles pires que les paroles des laïcs, il y en a des koufars parmi les juifs et les chrétiens, à propos de l'islam. Naam. Donc, le cheikh il dit, on dit à ceux-là, et il mentionne un verset, le verset 71 dans Surat Al-Imran, pourquoi recouvrez-vous la vérité par le faux et pourquoi cachez-vous la vérité alors que vous savez? Hein? Pourquoi cachez-vous la vérité alors que vous avez la science, que vous connaissez? Pourquoi? Parce qu'ils savent que cette société, et le cheikh il parle de la société dans laquelle il vit, c'est la société de l'Arabie Saoudite. Hein? Donc il dit pourquoi vous savez que cette société saoudienne. Parce que pourquoi il y a beaucoup de hizbiyin en Arabie Saoudite? En Arabie Saoudite, il y a beaucoup de hizbiyin, des ikhwan, des sururi, des qutbiyin, hein, des takfiriyin, des gens qui ont été influencés par les idées des khawarij et des takfiriyin. Et ils sont mélangés dans la société saoudienne. Hein, et ils ont la même apparence que les salafis, ils s'habillent de la même manière. Donc à l'extérieur, tu ne peux pas les distinguer des salafis. Par l'apparence, par les vêtements, par la barbe. Mais dans leurs idées, tu vois, quand ils parlent, tu vois que c'est tout à fait différent. Qu'est-ce qu'ils prêchent, c'est différent de ce qu'enseignent les ulama, c'est différent de ce qu'enseignent les gens qui suivent la voie d'Ahl Sunnah. Alaykoum salam wa rahmatullah. Et non. Donc ils disent, ces gens-là, ils savent que la société saoudienne est jugée par, est gérée et gouvernée par l'islam. Et qu'il n'y a rien d'autre que l'islam qui dirige. Ni la démocratie, ni la dictature, et ni les partis. Le fait de se diviser, hein, en partis et en groupes. Et il dit ça, c'est une des choses par lesquelles la société de l'Arabie Saoudite, elle se distingue des autres. Et ça, c'est une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on remercie Allah pour ça, et c'est une louange, on louange Allah subhanahu wa ta'ala pour ça. Donc c'est une distinction également que la société saoudienne est un seul parti. Et quel parti? Est-ce que c'est un parti dirigeant? Il dit non, c'est un parti dirigé. Hein, c'est-à-dire qui est gouverné, est dirigé. C'est pas un parti qui est dirigeant. C'est un parti qui est dirigé et gouverné par la charia d'Allah que Allah a révélé dans son livre et qu'il a décrit en disant qu'il n'y a rien, wa alaykoum salam wa rahmatullah, il n'y a rien de la fausseté qui ne peut l'approcher ni par devant, ni par derrière. C'est une révélation d'un sage digne de louange. Il dit oui, certes, c'est un parti qui est au pouvoir et qui exécute la législation d'Allah, hein, et qui ne légifère rien pour elle-même. Hein? C'est pas elle qui dit, qui légifère des lois pour elle-même. Non. Elle applique seulement la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. فمليك هذا البلد وأعوانه ووزراؤه وأمراؤه وعلماؤه وقضاته وضباطه وجميع رجال حكومته كلهم حزب واحد وهم سلطة تنفيذية وليسوا بسلطة تشريعية لا توجد عندنا ولا يجوز شرعا أن توجد سلطة تشريعية بل الشريعة التي تحكمنا هي شريعة الله كما أسلفنا ونحمد الله على ذلك الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله فنسأل الله المزيد من فضله سبحانه. Donc le cheikh il dit, donc le roi de ce pays, donc que ses supporters et ses ministres et ses maires et ses ulama et ses juges et ses généraux et tous les hommes qui composent ce gouvernement, ils sont un seul parti et c'est un pouvoir exécutif. Il n'y a pas chez nous de pouvoir législatif et il n'y en a pas chez nous, et il n'est pas permis dans la charia qu'il y ait un pouvoir législatif, parce que dans l'islam c'est la charia qui nous dirige, hein. C'est la charia d'Allah qui nous dirige, comme on l'a dit déjà. Et on remercie Allah subhanahu wa ta'ala de ça, celui qui nous a guidés. Et on n'aurait pas pu être guidés si ce n'était que Allah nous a guidés. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous augmenter de sa grâce et de son bienfait. Donc, on va s'arrêter ici, je pense. Hein, c'est l'heure. Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, puis on continuera au prochain cours, inshallah. Donc, le cheikh, il est en train d'expliquer comment se divise le pouvoir dans l'islam. Donc, on s'arrête ici. Subhanakallah wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.